Commencer donc notre atelier, quelle société veut-on? Debout Éducation Populaire, comme d'habitude, sur la place. Voilà, pour ceux qui redécouvrent, qui reviennent parce qu'il fait beau, on était là même quand il faisait pas beau et quand il pleuvait, donc c'est agréable de voir cette place avec du ciel bleu, je vous le cache pas, et des températures clémentes. Donc du coup, en fait, on est en train d'inventer ensemble, avec vous les gens, notre société idéale. Et au départ, quand on a commencé au mois de mai, on a lancé plein de. Enfin, les gens nous ont donné plein de propositions, plein d'idées. On n'hésite pas d'être dans l'utopisme, c'est ça qui est bien. Hein, faut, voilà, c'est beau l'utopisme, moi j'aime bien, surtout le dimanche, c'est cool. Donc du coup, on en était sur le thème de la santé. Et là, en fait, on va faire notre deuxième partie sur la santé. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous dimanche, en fait, on a fait un compte-rendu de ce qui s'est dit. Dimanche dernier, donc je vais laisser la parole à mon petit camarade qui va me lire ce formidable CR, parce que d'habitude c'est moi qui le lis, donc c'est un peu relou. Donc là, je te passe le micro. Merci. Alors, le compte-rendu de l'atelier du Pop, quelle société veut-on? La 22e session consacrée à la santé. Alors, d'abord, le rapport entre la santé et la maladie. Donc, je vous fais un peu le compte-rendu de ce qui a été dit la semaine dernière. Alors, quand Guilhem pose que la santé, c'est tomber malade et être capable de s'en remettre. C'est-à-dire que la maladie n'est pas opposée à la santé, mais qu'elle la constitue. Cela remet en cause la prévention du risque qui va vers la responsabilisation de l'individu plus que du social. La santé comme connaissance de son corps propre, sentir ce qui nous fait du bien ou du mal et être réceptif à ce qui existe à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Actuellement, la santé est prise dans le modèle économique. On pourrait avoir un ministère de la maladie plus que de la santé, avec des ressources homéostatiques. Par exemple, la naturopathie. Oui, naturopathie. C'est aussi dans un souci de la performance. Il faut cocher ce qui ne paraît pas dans l'idéal pour ce culte. La science médicale a supplanté les techniques naturelles. Ça a permis de favoriser des découvertes, mais aussi ravager un rapport plus direct au corps et à notre environnement. Par exemple, comprendre son corps, comment on devient malade, demander de l'aide aux autres sans croire que le médecin est Dieu et peut penser pour nous. Passer par une autre éducation pour apprendre à prendre de soin et à être à son écoute. Trouver dans son environnement et avec les autres comment se soigner. Le séquençage du génome nous permet de connaître les carences et potentiels chez chacun et chacune. Il faut également veiller à ce que notre environnement soit sain, ainsi que ce que l'on consomme. C'est aussi apprendre à se connaître en lien avec. Être handicapé, ça donne un autre rapport à soi et au monde. On peut y trouver une richesse incroyable, parce qu'on développe de nouvelles capacités. Quand on ne peut plus marcher ou courir, on a un autre rapport au temps. Cet enrichissement n'est pas écologique. Le regard des autres est la première forme d'exclusion, qui est produit par un culte idéal d'individualisme, comme par exemple les robots, qui instaurent un culte de la solidarité, pas en termes de compétition ni de performance, que ce soit en dehors du système économique, comme ce qui fait société. Ça continue comme ça là? Continue comme ça? Autre point. Arrêtez d'avoir peur de l'autre et de la différence, de la maladie. Pensez en termes d'expérience. Les assurances, les formalités et le tout préventif nous rendent peureux de la maladie et de l'autre. Est-ce que la guérison, c'est ne pas avoir mal, ne plus sentir son corps ou plutôt être en harmonie avec le cosmos? Par exemple, on peut citer le stoïcisme. Il y a toujours un aspect social de la maladie. Le tout est de savoir ce qu'on a à faire ensemble. Ça passe par le corps et la perception de ce qu'on produit. Par exemple, le sport peut être pensé comme extension sensorielle plutôt que comme performance. La guérison, c'est se réconcilier avec les autres. Chacun et chacune peut trouver sa manière de le faire. Ça ne doit pas venir d'un autre faisant autorité par son savoir ou sa position sociale, donc par exemple le médecin. Qu'on soit toutes et tous les médecins de nous-mêmes et des autres. Que tout ne soit pas pensé en termes de rationalité. Cela sera facilité par les informations circulant librement via le numérique et les rencontres. On pense par exemple à la suppression des brevets. L'exclusion est corrélative non du non-partage des savoirs. Apprendre à se connaître et faire ensemble. Quels outils trouver pour que chacun et chacune trouve et développe le potentiel qui est en lui ou elle? Pensez en termes d'équilibre plus que de conformité. La solitude est masquée par les réseaux sociaux et par le culte de l'image renforcée. On n'apprend pas à apprécier à être seul soi-même, et ceci peut se faire en présence ou non de l'autre, que ce soit apaisant. Ok, le point sur les hôpitaux et la relation entre le public et le privé dans les services de soins. Le personnel soignant est surexploité, ce qui est en lien avec les lobbies pharmaceutiques. Dans la société idéale, on supprimera les labos prévus. Prévu ou privé ? Privé, d'accord. Bon, faudra corriger. Les APMP, les universités qui produisent du savoir récupéré par les lobbies, exemple de l'hépatite C. Dans la société idéale, plus de brevets sur les médocs. Peut-être qu'il est temps aussi de préparer, de séparer industrie et médecine, comme avant, comme on a pu le faire entre la religion et l'État, science et économie. Qu'on n'oublie pas que l'objectif principal est que ce soit accessible à toutes et à tous. Là, je cite Hippocrate, d'abord, ne pas nuire, c'est-à-dire qu'on développe des savoirs entre nous. Le tissu associatif est très important et actif. Cela doit aller vers une réappropriation de ses propres capacités. Dans la cité des sciences et de l'industrie, on commence à faire des conférences sur le patient expert. C'est celui qui est soigné, qui dit la façon dont il veut l'être. Que les savoirs partagés permettent de combler l'inégalité des territoires. Il faut remettre de grands lieux de soins et de formation en campagne qui comprennent les différents types de soins, comme par exemple l'effet placebo. Je continue. La sécurité sociale doit être pensée comme droit à vivre et non pas comme charité. Pas d'hôpitaux ni de cliniques privées. Ou alors tous les soins sont gratuits. Pas de frontières non plus dans l'accès à la santé. De grands centres de formation seront créés dans lesquels toutes les médecines auront leur place et où patients, soignants, médecins s'apporteront leurs compétences. Concernant les médecines au pluriel, association des cueilleurs et cultivateurs dans le sud qui utilisent des plantes médicinales. Bon, il faudrait qu'on les connaisse un peu mieux. Des peuples autochtones utilisent des plantes pour la contraception ou pour devenir stériles, et cela en respect avec les ressources locales. Ils sont en danger par rapport au monopole actuellement. Le rapport entre patients et clients est toujours porté vers la performance et l'économie, notamment avec la cotation à l'acte. C'est ça comme ça qu'on dit ? La cotation à l'acte. Concernant la médecine curative traditionnelle, une plante peut soigner chaque maladie. Le vaccin est l'exemple de la prévention qui utilise la capacité de réaction du corps. Une tisane peut soigner le chikungunya alors qu'aucun traitement médical ne fonctionne. De même pour beaucoup de maladies. Des champignons fabriquent des molécules qui ont des effets anticancérigènes. L'industrie privilégie les solutions technologiques. Bon, on a compris, c'est pour se faire du fric. On a d'un côté les bactéries et de l'autre les virus. Des antibiotiques créent de la bactériorésistance qui diminue continuellement la diversité et les capacités de résistance. Il faut un transfert médical et effet placebo. Aller vers une capacité qui ne dépend pas d'un autre pour nous dire qui on est, ce qu'on a, ce qu'il nous faut. La maladie psychique est en augmentation, liée à l'extension d'une conformité qui rend les exclus malades, alors que la maladie psychique est une souffrance de vivre dans le monde qui nous environne. La société doit être un lieu de guérison, s'appuyant sur la diversité. Il existe aussi la médecine minérale, par exemple les bains de mercure pour les problèmes de sang, les aiguilles de quartz qui produisent des vibrations pour les maladies de peau, en extrayant la matière toxique. Cristalline, animale, magnétique. Par exemple, on a les coupeurs de feu. Ça, c'est toutes les choses dont on a discuté la semaine dernière. Si vous voulez des précisions, vous inquiétez pas, le spécialiste est présent sur la place. Le rôle du mental dans la santé est en rapport avec la croyance. Une expérience a montré qu'on obtenait le même taux de guérison lors d'une intervention sur le cœur quand on faisait l'acte chirurgical ou seulement une incision. C'est le rapport au pouvoir qui est au cœur de la guérison. La guérison. Il faut donc donner à chacun et chacune le moyen de trouver ce pouvoir en soi, en affection les uns avec les autres. Le contact humain peut aussi être recherché par besoin, pour se sentir mieux en soi plutôt que projeter sur les autres son malaise interne, en recherchant de la distraction. On cherche l'idéal partout, alors qu'être bien avec soi permet d'être un lieu de soins et d'accueil qui apaisera les autres. Et un dernier point sur les technologies en relation avec la santé. Ne pas négliger les apports de la technologie. Aussi pour la chirurgie. Si on supprime le principe de profit, le soin pourra être partagé. La médecine est un art, plus qu'une science parfaite. Parce qu'on fonctionne sur des pronostics et statistiques, et que cela évalue avec les systèmes de représentation d'une époque. On n'a pas encore pris en compte ce à quel point les cellules peuvent se métamorphoser et, ont des potentiels de mutation. On a fini sur une question, quel rapport entre le corps et l'objet technique ? Voilà, c'était le compte-rendu de la discussion de la semaine dernière, et là on engage une nouvelle discussion sur la santé dans la société qu'on veut. Et je repasse la parole à Sylvain. Ouais, donc on est bien atelier éducation populaire. Quelle société veut-on ? Notre atelier du mois d'août, on parle de la santé. Donc le rassemblement, c'est après, pour ceux qui se posent des questions. Mais n'hésitez pas, même si vous êtes venu pour parler de corruption, de venir parler santé. Parce que si vous n'avez pas la santé, à la rigueur, vous pouvez même pas avoir de corruption, parce que vous serez tous morts. Voilà, non, bon, blague à part. La semaine dernière, effectivement, on a parlé de tout ça. Il y a des thèmes que tu n'as pas cités, mais que j'avais sortis, je crois. Voilà, c'est là. On avait... Dans la santé, en fait, c'est très très très large. Hein. La santé, c'est un mot, effectivement, un petit peu fourre-tout. Et on n'avait pas parlé du transhumanisme. D'ailleurs, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. De sexualité et d'hygiène. Voilà, c'était des thèmes qu'on n'avait pas encore abordés. Donc si quelqu'un veut se lancer sur l'un des trois thèmes, transhumanisme, sexualité et hygiène, dans une société idéale, n'hésitez pas. Allez, il faut qu'il y en ait un qui commence en fait. La première intervention, c'est la plus dure, et après ça va aller tout seul. Je peux venir jusqu'à vous, hein, il n'y a pas de souci. Bon bah je vais lancer le débat sur le transhumanisme du coup. On l'avait rajouté dans les points santé parce qu'il y a toute une idéologie justement du transhumanisme qui serait ne plus ressentir la mort, ne plus ressentir la souffrance et vivre, c'est-à-dire sans plus rien ressentir du tout. Et en même temps, dans le transhumanisme, il y a la volonté d'étendre au maximum toutes ses capacités physiques, intellectuelles. Donc il y a une sorte de paradoxe entre ressentir de façon beaucoup plus puissante tout ce par quoi on est limité dans notre corps et en même temps effacer le corps et les souffrances qui peuvent être liées. Donc ce que je voudrais poser comme question par rapport au transhumanisme, c'est déjà, bon c'est sûr que ça correspond pas trop à ce qu'on a pu développer au niveau de la santé, mais quel risque est-ce qu'il peut y avoir justement de laisser totalement de côté son corps pour aller vers quelque chose de plus robotique ? Est-ce que c'est enviable ? Est-ce que c'est pas enviable ? Enfin voilà, j'ouvre le débat sur ça. En fait, t'es en train de me parler du truc Iron Man, là, je sais pas quoi, là, c'est ça ? Qui est dans une espèce d'armure robotique pour développer ses capacités. C'est un peu. Ça passe dans le corps. D'accord. Ok, très bien. Le transhumanisme, je sais pas, ça inspire quelqu'un ? Moi, ça m'inspire pas terriblement, monsieur. Allez-y, on se lance. Moi, j'aimerais simplement parler de la relation, enfin du ressenti, parce que il s'agit peut-être que c'est important en effet de ne pas supprimer complètement la douleur, de l'accompagner. Je dis pas que c'est forcément souhaitable, mais en même temps, si on anesthésie, la personne ne vit pas cette expérience. Et il y a différentes techniques pour accompagner. Par exemple, en sophrologie, on peut aider des gens, enfin des malades en souffrance à diriger leur attention sur des souvenirs positifs, des souvenirs agréables, etc. pour éviter justement, limiter la consommation de morphine ou de médicaments qui peuvent leur faire plus de mal que de bien, enfin disons qu'ils vont atténuer la souffrance mais qu'ils vont aussi les détruire quelque part. Et puis je pense surtout il faut pas couper le corps et l'esprit, je pense que ça fait un tout, considérer la personne comme une unité, hein, l'organisme comme une unité. Et donc il y a la souffrance morale aussi qui est importante. Et puis il faut s'adresser à l'ensemble de la personne ne pas la considérer comme un comme une maladie, mais comme un, comme une personne qui est malade, qui souffre. Je pense que c'est très important de découvrir quel est le sens de la maladie, ce qu'elle a à nous enseigner, et non pas de simplement s'acharner sur les symptômes. Bon, je suis pas le premier à dire ça, mais je pense que c'est peut-être bien de le redire. Merci beaucoup même. J'y vois un peu plus clair en plus, ça tombe bien. On est en train de parler vraiment de la douleur, du ressenti, etc. Je sais pas si quelqu'un veut réagir sur ce qui a été dit. N'hésitez pas, même à vous rapprocher, enfin je peux même me rapprocher de vous en fait. Je me sens un peu seul pour tout vous dire là tout d'un coup. On parle bien de la santé. Effectivement, on en a parlé un peu la semaine dernière de, en fait, qu'il faudrait un petit peu écouter plus un peu plus son corps en fait, et qu'il y avait il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est quelqu'un qui nous a dit oui, mais si on est une personne qui ne veut pas guérir, qui a une maladie mais qui ne veut pas guérir, qui est bloquée, on pourra lui donner tous les traitements, les machins, etc. Il y aura toujours quelque chose qui ira pas. Et moi, ça me fait penser aux états de dépression en fait, à des cas malheureusement qui sont assez difficiles sur les gens qui ont fait des tentatives de suicide ou qui ont des tendances suicidaires. Et c'est très très compliqué parce que généralement, j'en sais rien, je suis pas médecin ni quoi que ce soit, mais de ce que j'entends et malheureusement ma propre expérience, ceux qui passent à l'acte, ils l'ont déjà tenté un certain nombre de fois avant. Et c'est très rare en fait que ça soit quelque chose d'un coup. Et là, effectivement, c'est très très dur quand vous avez des gens qui sont dans ces états-là, parce qu'on a beau leur parler, on a beau essayer de communiquer avec eux, c'est compliqué. Parce que déjà, dans leur tête, c'est comme des enfants, alors que là, pour le coup, c'était plutôt des adultes. Et vous avez beau être proche, en fait, il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Et il peut se passer n'importe quoi le matin, je sais pas, regarder la télé ou j'en sais rien, et il y a un truc qui, tout d'un coup, il y a un déclic, et après, la personne va passer à l'acte. Alors que les proches, l'entourage pensaient que ça allait mieux et que on allait peut-être sortir du bout du tunnel, ou en tout cas on était dans une phase plutôt ascendante. Donc ça me fait penser un petit peu à ça, parce que ça c'est très compliqué. Moi j'ai pas trop de réponses, mais c'est vrai que derrière ça fait mal quoi. Quand ça arrive, ça fait mal à la famille, ça fait mal aux proches. Et il y a toujours une question, il y a toujours une interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas détecté aussi? Parce que parfois on n'arrive pas à le détecter, on le voit pas, et ça laisse beaucoup d'interrogations. Donc voilà. Après, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez réagir, allons-y. Oui, à propos des dépressifs, de la dépression. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais j'en ai eu dans mon entourage, et je pense avoir compris quelque chose en observant et avec le recul, c'est que bien souvent on a du mal, enfin je crois que les dépressifs ont besoin qu'on accueille leur souffrance avant tout, et c'est souvent difficile pour l'entourage, pour les proches, parce que ça nous renvoie à notre propre souffrance éventuellement, et c'est très pénible parce que ça dure, etc. Et on a tendance à vouloir absolument en priorité amener la personne à réagir, à sortir de sa dépression. Mais je crois que ça lui fait plus de mal que de bien, je pense, dans un premier temps, si la personne ne se sent pas accueillie dans sa souffrance. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on veut se débarrasser de la souffrance de l'autre, parce que ça nous est pénible à supporter. Et je crois que dans un premier temps, il faut d'abord accueillir la souffrance de l'autre, du dépressif, au-delà dépressive, et pour ensuite peut-être avoir plus de possibilités de les aider à sortir de cet état-là. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a une réaction par rapport à ça, une anecdote, quelque chose? Ok, merci. Je sais pas trop comment vont se dérouler les choses là d'ici les mois à venir. S'il va y avoir, y a les élections présidentielles, peut-être Marine Le Pen qui va être élue. Alors, s'il y a une reprise de pouvoir de la part du peuple à la suite de ces élections. Comment dire, peut-être qu'il faudrait interroger les corps de métier un par un, par exemple la médecine, etc., pour se réorganiser au mieux, quoi. Voilà. C'est ce que je me dis. Chaque corps de métier qui parlerait en connaissance de cause, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ok, merci. Donc là, on est vraiment dans la société idéale. On est sur le thème de la santé. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Là, on parlait de la douleur, de beaucoup de choses très intéressantes. Si quelqu'un a une réaction, vous, comment vous le voyez, ou s'ils avaient des mauvaises ou des bonnes expériences avec les médecins, les hôpitaux, les cliniques, les médicaments, les laboratoires. Enfin, n'hésitez pas à vous lâcher en tout cas par rapport à ça. Je sais pas si tu as peut-être toi un commentaire là-dessus. Je te lance. Je te fais une passe. Merci. Personnellement, moi, je travaille la nuit, donc c'est vrai que le taf de nuit, c'est pas comme les gens qui travaillent la journée. Donc c'est beaucoup de travail acharné. Les heures sont pas très convenables et on a du manque de sommeil et pas mal de choses. Donc est-ce qu'il devrait avoir une médecine, peut-être des traitements plus adapté pour les gens comme moi, ou est-ce qu'on pense que tu dois avoir le même sort de traitement pour tout le monde qui travaille le jour comme de la nuit? Je ne sais pas. Cependant, je sais que la plupart des gens qui travaillent la nuit ont beaucoup mal au dos, ont des problèmes de sommeil, sont plus exposés à des addictions qui sont vues à la vie de la nuit et tout ça. Donc peut-être besoin d'un accompagnement pour eux, pour les aider à surmonter les différentes tâches qu'on peut avoir quand on travaille de nuit. En tout cas, ça, c'est mon ressenti sur le sujet. Je sais pas si quelqu'un voudrait dire quelque chose, ou qui travaille de nuit, ou qui travaille du jour, de même, qui voudrait parler de ça et partager avec nous un témoignage ou une pensée, une idée. Alors, on va essayer de rebondir. Ah, une question. Très bien. Est-ce que vous avez un plan si jamais Marine Le Pen arrivait au pouvoir, un plan d'action? Alors on est dans la société idéale, donc la société idéale, Marine Le Pen, elle existe même pas si tu veux. Moi j'ai pas de plan. on n'est pas là pour ça, mais on aura d'autres occasions d'en discuter. Peut-être même cet après-midi avec la corruption, parce que je crois que j'ai lu un graphique où ce charmant parti, je crois, le pire d'élus qui sont dans des affaires et des magouilles. Donc on pourra en parler peut-être un peu plus tard dans la journée. Là, on est vraiment sur la santé. Marine Le Pen, je ne sais pas si c'est la santé. Enfin, moi, ça m'énerve quand je la vois, donc ça ne me met pas dans une bonne santé, en tout cas. Donc c'est pour ça que dans la société idéale, je suis pas très fan de tout ce qu'elle représente. Tu conviendras que si jamais elle passe, il faudra agir. Oui, tous ensemble, comme on dit. Mais oui, tout à fait. De toute façon, il se passera quelque chose. Après, je suis pas un voyant. J'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, il faut pas qu'on subisse. Ça, c'est clair. Mais j'ai une main qui se levait. Mais reste pour ce qui se passe après. Je pense que tu pourras peut-être avoir des éléments de réponse. Ah, tu es d'accord avec moi. Merde. Et vu que tu es d'accord avec moi, tu veux pas m'aider sur le thème de la santé, la douleur, tout ça, toi, comment, si ça te parle. Sinon, on n'a pas abordé la sexualité et l'hygiène. Bon. Alors, ok. Oui, à propos de la santé, donc moi, je crois que c'est très important, la prévention. Et pour cela, il faudrait qu'on, comment dire, les remboursements, les prises en charge, c'est pas assez fort. La prise en charge, voilà, c'est ça, est axée sur ce remboursement des soins, bien sûr, il le faut. Mais finalement, il y a plein de choses, plein, comment dire, d'actes paramédicales ou comme le tout ce qui est toutes les techniques de détente, de gestion du stress, etc. Les conditions de vie aussi, pour lequel, sur lesquelles on ne met pas l'accent et puis qui ne sont pas remboursées ou pas assez. Et pourtant, comme ça pourrait éviter justement le développement de maladies graves qui sont très coûteuses à soigner, qui entraînent des arrêts de travail prolongés, des incapacités, des invalidités, etc., je pense que la société aurait tout intérêt à réclamer une prise en charge de tout ce qui est préventif. Et ça ne concerne pas que l'information, mais aussi tous les soins qui ne sont pas remboursés actuellement parce qu'ils ne sont pas considérés comme médicaux et pourtant, ils sont efficaces en prévention. Merci. Alors, je rappelle que la parole est libre. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre la parole. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le thème de la santé dans la société idéale. N'hésitez pas. Très très très honnêtement, moi effectivement le sujet que disait monsieur, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais on est dans cette tendance là. Du coup je vais continuer à six personnes. Je vois qu'il y a des peintres parmi nous. Merci Jérôme. Je vais continuer sur un sujet dont ma génération a beaucoup été matraqué d'informations, c'est la sexualité, et notamment le sida. Je suis, on va dire, un bon petit trentenaire, et moi j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit, ils m'ont mis des préservatifs dans la main, je savais même pas ce que c'était faire l'amour. Mais au moins je savais déjà qu'il fallait se protéger. Alors, le sais-tu maintenant ? Je veux pas dire, parce que je vais rougir et c'est pas le but des trucs. Mais la sexualité, c'est pour avoir un petit peu côtoyé les gens de Solidarité Sida, qui font un boulot, pour le coup, assez formidable. Forcément, dans la société idéale, j'ai envie de dire, capote, quoi. Alors, pas obligatoire, parce que on n'aime pas obliger les gens. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, ce côté que moi j'avais à mon époque, on l'a un petit peu perdu. Et que j'entends de plus en plus de jeunes qui me disent « Ouais, mais la capote, moi, ça me fait chier, je la mets pas, ou ma partenaire, elle veut pas. » Et finalement, après, je vais me faire dépister et j'ai peur de recevoir un courrier pour savoir si c'est positif ou c'est pas positif. Donc, quelque part, je joue un petit peu avec ma vie. J'étais, peu importe l'état, mais sur le moment, et il y avait une envie mutuelle, donc on l'a fait quand même et on n'avait pas de préservatif. Donc pour moi en tout cas c'est des choses en fait qu'il faudrait mettre sur la table, faut qu'il n'y ait pas de tabou par rapport à ça. Et c'est très important qu'on prenne ces bonnes vieilles habitudes, parce qu'aujourd'hui ok vous avez un festival de musique où il y a moins de capotes gratos, hein, alors qu'à l'époque moi quand j'ai commencé il y en avait beaucoup plus, d'ailleurs c'était sympa, on pouvait en ramener plein. La capote aussi à 1 euro qui est compliquée à avoir. Et on a nos amis qui font un peu de bénéf avec ça à côté. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà, je sais pas si quelqu'un a une réaction par rapport à ça, mais moi, c'est dans la société idéale, en tout cas, c'est quelque chose que je voudrais remettre en avant particulièrement. Ok, on va faire un monologue aujourd'hui, un duologue, c'est pas grave. Mais c'est la première fois qu'on se voit en plus, donc merci. Et n'hésitez pas, hein, pour les autres, la parole est vraiment libre. Hein. Vous pouvez parler ce que vous voulez. Vous voyez, moi, je parle de capote un dimanche à 14h, donc pas de problème. Oui, moi, je vais pas parler de préservatif directement, mais par rapport à ce que, en répondant à ce que disait... Comment c'est ton prénom ? Sylvain. Oui, il y a le problème de la motivation à se protéger aussi, hein. Et comme on parle de société idéale, moi j'ai l'impression que plus les gens auront envie de vivre parce que leur vie aura un sens, parce que là, ils auront de l'espoir pour le futur, parce que au lieu que tout semble aller de plus en plus mal, tout pourrait aussi aller de mieux en mieux, et qu'on retrouve des valeurs, qu'on puisse vivre une vie qui ait du sens, qui nous rende heureux. Et je pense que dans ces conditions-là, la vie aura plus de prix, enfin d'importance, on sera plus motivé, je pense, pour préserver la vie et préserver sa vie. Et peut-être que c'est un peu ça aussi le problème pour les jeunes qui se voient peut-être sans avenir ou un avenir tellement glauque que finalement, inconsciemment, il y a quelque chose de peut-être un peu suicidaire chez certains. Enfin, je ne sais pas, c'est une question que je pose, mais c'est une piste de réflexion peut-être. Oui, alors en début d'atelier, tu nous as lu des pistes de réflexion pour aujourd'hui. Il y avait quelque chose relative au sexe, si j'ai bien compris. Vas-y, dis-moi. La sexualité. Oui, alors moi, dans la société idéale, j'aimerais bien qu'on se décoince un peu au niveau du sexe et qu'on se dise que le sexe, c'est pas mal, c'est pas un truc qui va nous envoyer... Chez monsieur Satan, le diable ou je sais pas quoi, mais que le sexe justement ça va nous envoyer au paradis de la bonne santé et voilà, qu'on se décoince sur le sexe et qu'on perçoive un peu la sexualité comme aussi un moyen de se soigner. Merci. Ouais, bah, ce que tu viens de dire ça me fait penser à ces je crois que c'est des infirmières on va dire qui travaillent auprès des handicapés et justement les handicapés qui n'ont pas forcément de sexualité tout simplement pour certains et donc elles viennent apporter un, alors c'est un peu maladroit hein, j'essaie de peser mes mots, mais un espèce de réconfort c'est quelque chose que je crois qu'il y avait un peu choqué dans l'opinion publique, ou alors ça a fait un espèce de buzz, enfin il y avait ceux qui étaient contre, ceux qui n'étaient pas d'accord, etc. Et finalement, je pense qu'il aurait fallu poser la question aux handicapés et aux gens qui utilisent, entre guillemets, cette aide ou ce réconfort et savoir vraiment eux ce qu'ils en pensaient. Et ça, malheureusement, à l'époque, je ne l'ai pas forcément entendu. Et c'est peut-être eux les premiers à faire. Donc, ouais, par rapport à ça, me fait penser à ça, en fait, ce que tu viens de me dire. Après, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on a un rapport qui est complètement différent. Je pense que. Enfin, je sais pas si c'est malheureusement, mais sur Internet, on peut très vite tomber sur un clip pornographique, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et du coup, il y a un rapport qui est complètement différent. Il y a un accès à l'information qui est différente. Mais du coup, cet accès à l'information, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'explication derrière. Et finalement, des fois, voilà, c'est un truc un peu brut de décoffrage, ce que peuvent voir certains, et qui n'est pas forcément la réalité. Et derrière, on voit tous les problèmes que ça peut créer à l'école. Et alors, c'est compliqué parce que c'est des sujets, surtout dans certains endroits, qui sont assez tabous. Mais je crois qu'il y a des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais de l'éducation sexuelle, enfin, on va appeler ça comme ça, un truc comme ça, qui peut se faire. Mais c'est très délicat parce que c'est en fonction de la personne. Généralement, c'est les infirmiers et les infirmières. Mais c'est très délicat, en fait. Si vous avez quelqu'un de pédagogue, il n'y a pas de souci. Si vous avez des gens qui sont un peu plus bruts de décoffrage, finalement le message il va pas forcément passer. Et pour connaître des profs, il y a vraiment un besoin d'information. Parce que quand ils font les paroles libres, il y a des questions, les gamins rougissent et des trucs un petit peu rigolos et en fait on s'y attend pas. Et c'est très important de le faire. Et tout à l'heure, quand on disait, je disais écouter son corps, mais aussi apprendre à découvrir entre guillemets sa sexualité, c'est très important. Et apprendre à découvrir son corps aussi. Moi, je trouve ça en tout cas essentiel. Voilà. J'essaie de combler depuis tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas. On est dans l'atelier Quelle société veut-on sur le thème de la santé. La parole est libre. N'hésitez pas à venir. Parler avec nous. Je peux me déplacer jusqu'à vous s'il faut. Une réaction de quelqu'un? Le peintre? Non. Bibliothèque debout? Non, non plus. Voilà. Bon, bah, merci. C'est vraiment pour te sauver. Hein. Non, comme tu parlais du coup de la sexualité perçue un peu comme une monstruosité parce qu'elle viendrait des handicapés, par exemple. Il y a aussi toute la sexualité des enfants. Donc avant l'adolescence, où on a très longtemps dit qu'il n'y avait pas de sexualité chez les enfants, bah si, il y a une forme de sexualité chez les enfants. Et ça fait peur parce que c'est pris dans tout un truc culpabilisant où voilà, il faudrait pas il faudrait pas qu'il y ait de masturbation, par exemple. Et ça produit déjà tout un mécanisme chez les enfants et donc plus tard chez les adultes, comme la sexualité c'est sale ou la sexualité c'est que pour les adultes, et puis aussi du coup un rapport au corps qui est déjà dégradé là-dedans. Donc je pense aussi que dans la société idéale, il faudra laisser les enfants découvrir eux-mêmes le rapport à la sexualité, tout en les étayant, j'ai envie de dire, plus qu'en les encadrant, enfin voilà, pour les aider à le découvrir, mais pas en étant justement l'éducation sexuelle, pas en étant voilà, comme ça, c'est comme ça que ça doit être, et à partir de tel âge, etc. Ouais, en fait, ça. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est un peu bizarre de parler de ça à cette heure-là sur la place, mais pourquoi pas. Hein. Soyons fous. Ah, attends. On commence toujours par ceux qui n'ont pas parlé. Après, en fait, je te donne raison sur l'attention d'avant, c'est qu'aujourd'hui, en fait. Même sur les statistiques, en fait, aujourd'hui les jeunes ont des rapports beaucoup plus tôt qu'à l'époque, et en fait ça serait bien, oui, de leur montrer, de leur laisser découvrir ça, et justement aussi de peut-être de mieux informer les jeunes par rapport à ça, par rapport à comment se protéger, qui est aujourd'hui pas assez développé dans notre pays, sur toutes ces choses là et ouais, faut bien se rendre compte que de toute façon un jeune à 12 ans, il va connaître. Entre les jeunes à 10 ans, ils savent très bien ce que c'est une femme, la reproduction, ils savent très bien, même à 10 ans aujourd'hui. Donc il est temps aussi qu'on évolue là-dessus. Merci. Donc n'hésitez pas à réagir. Moi, ce que disait l'intervention précédente, ça m'a fait penser à la campagne qu'il y a eu, c'est pas mon genre, là, en fin d'année, sur les... En fait, sur les jeux des garçons et les jeux des filles, où le but c'était en fait de mettre les jeux de garçons mélangés aux jeux des filles, parce que finalement on est beaucoup dans les clichés où la fille, en gros, c'est les cartons roses, les princesses, et les garçons c'est tout le reste. Et c'est vrai que c'est un petit peu con, en fait, de cette façon de procéder. Enfin, moi je me rappelle cet été là, quand il y avait les jeux d'enfants là, de la mairie de Paris, il y avait des enfants qui jouaient avec des aspirateurs, avec vraiment une marque d'aspirateur, et c'était une petite fille. Et ça m'a fait beaucoup de peine, alors que nous on faisait du pop et on refaisait le monde, quoi. Et j'étais en train de me dire, c'est con, parce que dans la société idéale, moi j'aimerais pas ça, quoi. Surtout que vous avez même des trucs Black & Decker avec des petites perceuses et tout, enfin c'est dingue. Vous le retrouvez même dans les catalogues de jouets, dans des comités d'entreprise, de grandes entreprises, quoi. C'est assez minable. Mais après, voilà, peu importe, on l'avait dit dans l'éducation. Donc, ça me faisait penser un petit peu à ça, en fait. Quand tu disais, Antoine est parti, mais quand il disait, voilà, s'ouvrir un peu à la sexualité, mais même au niveau, enfin, voilà, s'ouvrir l'esprit, en fait. Et ça fait pas de mal. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur la santé? Je vois qu'on... Là, on parle de sexualité, d'enfants, de... Voilà. Est-ce que tu ouvres tes chakras? Je te laisse un petit peu réfléchir. Mais en tout cas, il y a un point qu'on n'a pas abordé. On va tous les faire. Hein, ça va être l'hygiène. On va enchaîner. L'hygiène dans la société idéale. Alors, c'est intéressant cette question, parce qu'on était parti sur la réappropriation des villes, notamment. Et si on se réapproprie les villes, si par exemple ici sur la place de la République on fait un... Oh, bonjour, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Ça fait plaisir. Excusez-nous, hein, du coup on est un peu en privé de joke. Voilà, donc ça c'est pour après. Là on parle de santé. Quoique santé ou corruption, je sais pas si on pourra faire un lien peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, j'en reviens donc à la ville et l'hygiène. Je sais pas comment. En fait, l'hygiène, du coup, c'est plutôt le traitement des déchets. On va essayer de rebondir sur ça. Et dans la société idéale, ce qui serait bien et ce qui commence à se faire, mais par petites bribes, c'est du zéro déchet, en fait. On a des gens qui. Dans leur appartement ou dans leur maison ou dans des squats, enfin peu importe, ou dans des ZAD, etc., qui ont pris ce pari du zéro déchet. Ce qui est assez audacieux comme pari, parce que bah, vous voyez bien dans vos poubelles tout ce que vous jetez tout au long de la semaine. Et du coup, moi j'aimerais bien qu'on arrive à ça en fait dans la société idéale, hein, du zéro déchet, de construire des choses, effectivement, on l'a déjà dit ici, qui durent. Donc on arrête l'obsolescence programmée, qu'on répare les choses au lieu de les remplacer et de les jeter je ne sais où. Déjà ça ferait beaucoup moins de déchets. Quand on parle de déchets, j'ai une petite pensée pour les copains qui sont à Bure. Là c'est du plus gros déchet, c'est du déchet nucléaire. Donc ça aussi le déchet nucléaire, pas de nucléaire hein, dans la société idéale, je crois qu'on l'avait dit, ou si on l'a pas dit on le répète. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des avis sur l'hygiène dans la société idéale, sur les déchets, je ne sais pas, qui que quoi dans vous. Ah, il y a quelqu'un. C'est cool les gens qui manifestent à Bure et tout. Moi je comprends, ils ont pas envie d'avoir des déchets nucléaires sur leur sol. Sauf que la France, elle produit taquet de déchets nucléaires et quand ils les enterrent pas en France, ils les envoient dans d'autres pays. Donc la question c'est plutôt régler comment arrêter carrément ça. Et parce que dire il faut pas les enterrer là, c'est pas tout le problème quoi. Faut voir tout le problème dans l'ensemble quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi et notamment pour voilà. Mais en fait, alors je sais pas si tu es allé à Bure. Enfin, moi j'y suis pas allé, mais j'ai des gens qui y sont allés. Il y a quand même une tendance aussi où effectivement on va pas dire stop à Bure et des fois parce qu'ils peuvent le faire ailleurs en France qu'à Bure. Donc du coup c'est stop aux déchets nucléaires complètement et du coup au nucléaire. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là. Mais effectivement, faut aller au-delà de Bure. Mais voilà, c'est assez symbolique et en plus ça a un petit peu chauffé, je crois, ce week-end, donc ça. J'entends bien. Je vais pas faire un truc sur Bure spécialement, mais en fait, à la base, c'était pour informer les gens qui n'étaient même pas au courant de ce qui se passait dans leur propre ville, en fait. Et donc, du coup, c'était pour informer la population et pour les adhérer à la lutte qui était en cours de façon pédagogique, leur expliquer pourquoi ils étaient venus, parce qu'il y a eu des soucis au début, les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait des gens qui tout d'un coup débarquaient et du coup de la violence des flics et compagnie. Donc c'était l'un des premiers objectifs. Après le reste, effectivement, il y a un autre combat derrière qui est effectivement plus dense. Mais on en a déjà parlé, on en aura l'occasion d'en parler avec Ecologie Debout et plein de beaux monde sur cette place de Bure. Moi, je préférais quand tu parlais de sexe plutôt que quand tu parles de chakra, parce que tu connais mieux. Mais en partant de... les déchets nucléaires. Le principe, après je vais arriver à la santé, c'est qu'on a fait des centrales nucléaires sans savoir ce qu'on allait faire des déchets après. C'est-à-dire on a pris des décisions en sachant très bien qu'il y aurait des problèmes plus tard, mais en sachant que ce seraient les autres générations qui devraient s'en occuper. Sans consulter la population, mais déjà faire un truc sans savoir ce que ça va faire, c'est un manque de responsabilité. Et par rapport à la santé, même d'hygiène, etc., si tu veux te soigner par des médecines alternatives, il faut déjà partir du principe que chacun est responsable de sa santé. C'est pas parce que quand tu es malade, tu vas voir le médecin qui te donne une pilule et puis ça passe. C'est pas ça la santé. La santé, c'est être réveillé, c'est être dynamique, c'est... Enfin, me regardez pas trop, mais des fois je suis dynamique. C'est participer à la vie sociale, c'est se cultiver intellectuellement, etc. C'est l'ensemble de la vie humaine. Et ce qui se passe depuis quelques années, c'est même... il y aurait beaucoup à dire, mais par exemple, quand quelqu'un qui boit de l'alcool, qui se drogue, qui dort toute la journée, etc., le jour où il tombe malade, il dit « Ah ben, la société doit me soigner ». Ben, moi, je suis pas d'accord, parce que moi, je ne drogue pas, je ne fume pas. Je fais tout ce que je peux pour rester en bonne santé. Je vois pas pourquoi je devrais payer pour quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui se démolit lui-même. Je trouve que c'est un manque de. Enfin, c'est pas parce que moi je suis responsable que je dois être responsable des autres. Moi, je suis pas d'accord. Et dans la société idéale, c'est dire chacun est responsable de lui-même, se gère sa vie lui-même, c'est la liberté, d'accord. Mais comme pour les centrales nucléaires, chacun est responsable des conséquences de ce qu'il fait. Donc il faut les, comment dire, établir des méthodes, des trucs pour dire chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais suivant ce qu'il choisit, il sera, comment dire, sera soigné d'une manière ou d'une autre. Voilà. Oui. Je ne vais pas être long. Non, je voulais juste vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je le trouve un petit peu dur. Bon, moi, je ne fume pas non plus, des choses comme ça. Mais on n'a pas tous la même histoire. On a, donc, bien sûr, je pense que les gens qui prennent des risques, on pourrait envisager qu'ils cotisent plus. Bon, mais en même temps, c'est peut-être pas très juste parce que il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus dures que d'autres. Et c'est... Peut-être que nous, si on vivait des moments aussi difficiles, peut-être qu'on prendrait de l'alcool, qu'on fumerait, je ne sais pas, ou qu'on se droguerait. Donc c'est difficile de juger les autres. La solution, c'est de se battre et de tout faire sauter, c'est mieux. Alors, avant, je vais passer la parole juste pour dire, c'est super cool parce que nous, on est là tous les dimanches et ça fait plaisir de voir du monde sur cette place. Et merci. Voilà, c'était un truc comme ça instinctif, je suis désolé, mais ça vient du fond du cœur. Merci. Donc pour les curieux qui viennent d'arriver, je rappelle que le rassemblement anti-corruption commence à 15h et que là on est dans l'atelier... Oui, l'Assemblée Générale commencera à 16h et là on est dans l'atelier d'éducation populaire, donc quelle société veut-on qui se tient tous les dimanches et qui exceptionnellement, pour laisser place au rassemblement et à l'Assemblée Générale, a été avancée. Voilà. Parce que Nuit Debout doit déplier tout le matériel une heure à l'avance, eux. Voilà. Donc sur la question de pourquoi je paierais pour quelqu'un qui n'a pas la même discipline que moi et qui a pris ses risques à lui, quoi, après tout. La réponse qui existe depuis la moitié du XIXe siècle, c'est que ce que vous dites, ce n'est pas un principe d'organisation sociale. Voilà. L'idée que chacun prend ses propres risques et en gros chacun se débrouille avec sa propre merde, on considère que c'est un principe de désordre et de destruction de la société, en particulier quand il s'agit de la santé. Parce que si je m'occupe pas de la santé des autres, ça peut rejaillir sur moi, sur ma vie à moi, de tas de façons. Entre autres, donc il y a l'hygiène, il y a les questions de contamination. Et il y a aussi des questions que si je laisse quelqu'un tomber, ça veut dire que ça fait une force en moins pour la société. Voilà. Si je laisse quelqu'un tomber, c'est source de malheurs, de troubles, etc. Pas seulement pour eux, pour ces personnes-là, mais pour un milieu ou pour une organisation sociale qui pourrait être meilleure avec leur contribution à eux. Voilà. Donc, l'idée que c'est de sa faute, il se démerde, ce n'est pas un principe d'organisation sociale. Et surtout, ce n'est pas un principe d'organisation d'une société gouvernée par des principes de bienveillance et d'amélioration. Parce que c'est ça, hein. Il y a aussi l'idée que l'ordre social est correctif et amélioratif. Donc, je dois pas simplement, voilà, c'est aussi l'idée, c'est comme quand on dit la fameuse citation de Che Guevara, si la révolution n'avance pas, elle tombe. Si une société, si on ne se prend pas de plus en plus en charge collectivement, et si on ne se soutient pas toujours davantage les uns les autres, voilà, la société s'affaisse, quoi. Elle ne tient pas toute seule, voilà. Donc elle a besoin de soutenir des normes qui peuvent paraître évidentes, mais elle doit veiller aussi à des normes qui sont peut-être pas encore aperçues. Voilà. Donc ça peut paraître une évidence si on se donne déjà la réponse, si on se supprime déjà ce niveau de l'organisation sociale, si on se dit que ça n'existe pas ou si on n'a même pas l'idée que ça doit exister. Bon, bah évidemment, chacun sa merde et c'est ta faute, tu te démerdes. Voilà. Si on a envie qu'il y ait un tissu et que chacun bénéficie du bonheur des autres, que le bonheur des uns des autres se soutienne, alors ça veut dire qu'on doit aussi se soutenir les uns les autres dans le malheur. Voilà. Ok. Alors, 2 minutes. Ouais, bah pour rebondir, qu'est-ce qu'on combat ? Bah l'individualisme, hein. Non mais c'est vrai, donc... c'est quoi la question ? C'est la société miracle, c'est ça ? Enfin, idéal. Le miracle, ça fait très divin. Bah je sais pas, mais enfin, déjà moi je répondrais les besoins primaires et vitaux de l'homme, qui sont un pain pour tout le monde, un toit aussi, une couette, un habit, et tout ça et tout ça gratuit quoi, parce que ce sont les besoins primaires de l'homme, et donc et en fait on vit dans un monde où malheureusement bah c'est pas de mise quoi. Voilà, donc merci Adrien. Merci. Alors nous, tout ça, tout ce que tu viens de dire, on l'a développé sur les autres thèmes de la société idéale. On en a parlé, vous pouvez trouver ça sur notre site debouteducationpopulaire.org, un truc comme ça. Non, merci pour la bière. On boit pas de bière quand on fait les ateliers. Enfin, nous en tout cas. Oui, c'était pour repartir aussi sur la responsabilisation de l'individu. C'est vraiment une tendance qui est actuelle, justement, de responsabiliser les individus. Pas fumer, pas boire, etc. Par contre, tout ce qui considère les nuisances qui seraient plus sociales, donc la pollution, tout ça, bizarrement, on n'en parle pas. Parce que là, ça y aurait un enjeu qui serait plus de l'ordre politique. Alors que de responsabiliser les individus sur leur maladie, c'est très facile. Chacun se retrouve tout seul avec sa maladie et devient le responsable de sa propre maladie. Or... En effet, donc déjà comme tu le disais toi-même, en fonction des épreuves de vie de chacun, tu peux avoir le besoin de trouver des solutions, soit dans des toxiques, soit autre chose. Mais il y a aussi le fait que prendre soin des autres, ça fait partie de prendre soin de soi. Ça passe par là. Enfin, tu peux pas réussir à t'épanouir et à te sentir bien si t'es pas en relation avec les autres. Or, si t'es en relation avec des personnes qui souffrent et que tu les évites, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Tu vas souffrir parce que ces personnes continuent à souffrir. Donc le fait de pouvoir les accueillir, d'accueillir leur souffrance, mais sans en avoir peur, c'est déjà une sorte de partage qui fait que chacun devient plus fort. Donc, enfin voilà. Et vraiment cette question-là de la responsabiliser les individus sur leur maladie, c'est ce qui se passe actuellement et c'est très dangereux. Alors, n'hésitez pas pour les réactions. Hein. Encore une fois, ça fait vraiment plaisir de voir du monde. Il y a 15 jours, on était 10 polés ici, et là, on en est 10 fois plus, peut-être. C'est cool. Ouais, je savais que j'allais me faire engueuler, mais c'était pour bien commencer à discuter. Et moi, je peux dire ça, justement, parce que moi, quand j'étais plus jeune, on va dire, je faisais le chauffeur poids lourd. Et le fait que je voyais beaucoup de gens qui souffraient, ça m'a amené justement à me soigner moi-même, dans l'idée éventuellement de soigner ma famille plus tard, etc. Après, j'ai appris les techniques de médecine alternative, comme on dit, ou médecine complémentaire. Mais je l'ai appris pour moi au départ. C'était purement égoïste pour moi, ma famille. Mais après, comme il y avait les amis qui me demandaient « Mais pourquoi tu fais ça ?» et pourquoi tu fais pas autre chose, pourquoi tu fais attention à ce que tu manges, etc. Alors, j'ai commencé à seulement expliquer simplement pourquoi moi je faisais comme ça. Et j'ai commencé à soigner les amis, après les amis des amis, et puis bon, je suis devenu guérisseur par accident. Mais justement parce que je peux pas avoir quelqu'un à souffrir sans faire quelque chose. Et quand c'est vrai qu'il y a la pollution, etc., mais ça, sur la pollution et des tas de choses, parce qu'il est le plus... Ce qui rend le plus malade aujourd'hui, à mon avis, c'est le travail. Le travail qui est, comment dire, qu'on n'a pas choisi, qu'on fait dans des conditions horribles, et dans lequel on est de plus en plus poussé à s'opposer les uns les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut éliminer les autres, il faut être le meilleur, il faut... Et je viens de dire, dans Le Monde, par exemple, il y a une postière, une jeune postière en CDD qui s'est suicidée parce qu'on lui demande des choses impossibles. Et elle voulait vraiment bien faire son travail. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Mais moi, sur cet aspect-là, moi, je ne peux rien y faire. Mais je peux faire sur quelque chose pour moi et pour les gens que je connais. C'est pas de l'égoïsme, c'est du sens pratique. Et une dernière chose, c'est le... qu'est-ce que je veux dire? Bah si, réfléchis. Fais quelque chose. Non, moi, ça fait rien. Je reviendrai plus tard. Non, juste un petit cri du cœur par rapport à ce qu'a dit le monsieur à ma gauche. Voilà, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser ce terme d'individualisme comme un anathème ou un terme qui sert forcément à disqualifier ce que disent ou ce que pensent les gens. Voilà, moi je ne suis pas catholique. Je ne crois pas le fait qu'il y ait une liberté des individus, qu'ils aient éventuellement un pouvoir de critique et même de refus radical à l'égard des collectivités auxquelles ils appartiennent, ça soit un principe contradictoire avec l'organisation sociale. Voilà, je crois même que c'est un des fondements de la pensée sociale et socialiste depuis le 19e siècle. Comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, la solidarité, c'est aussi un concept qui est compatible avec l'idée de liberté individuelle radicale, donc y compris de choisir son propre malheur et de choisir de couler, comme on l'a vu tout à l'heure, de choisir de faire ou pas son propre salut, sans qu'il y ait des gens qui vous disent comment on est bien et voilà comment on s'élève. Que ce concept de solidarité, il n'est pas contradictoire non plus avec l'intérêt bien compris. Ça peut se défendre aussi, y compris du point de vue de doctrine de l'intérêt bien compris, et pas seulement de l'altruisme moral. Voilà, donc ça implique pas forcément des positions en orthodoxie avec notre fond de culture catholique. Donc voilà, je vous le dis franchement, quand j'entends à droite ou comme à gauche utiliser le terme de l'individualisme comme un anathème, moi tout ce que ça me rappelle, c'est à quel point j'appartiens à un pays catholique et que j'en ai marre. Ok, très bien, j'arrive. Oula, attention, ça leur scène. Sur la santé, ouais, il n'y a pas de souci. On est bien nombreux, j'aimerais partir aux îles Caraïbes, alors j'aimerais bien que chacun d'entre vous me donne 5 euros, que je puisse vivre heureux et amoureux auprès de belles créatures comme mademoiselle. Voilà, merci bien. D'accord, donc il y a une caisse qui est en train de se faire apparemment. C'était pas vraiment la santé, hein, mais je sens que la prochaine intervention, ça va être sur la santé. Donc la santé, c'est dans la définition, je crois que c'est le bien-être physique et psychique. Donc ça dépasse largement la maladie. Et par rapport à ce qui vient d'être dit avant sur l'individualisme, je pense que c'est très important parce que pour qu'une politique de santé soit possible, les conditions de possibilité, c'est que justement, il y a trois facteurs fondamentaux qui sont le facteur de l'hygiène et des modes de vie des citoyens, le facteur environnemental et le facteur de l'alimentation. Ce qui implique justement la question de la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une politique de santé parfaite dans laquelle on interdirait toutes les conduites nuisibles à la santé, mais ça poserait des problèmes de liberté individuelle. Donc je pense que l'articulation entre la liberté et la santé sont fondamentales. Bonjour, je voudrais faire écho à plein de choses que j'ai entendues. Donc je vais commencer par la fin sur les catholiques. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les chrétiens se réveillent et ne laissent pas abandonner le terrain par des catholiques de droite qui font d'une religion une culture et une identité et qui adorent plus, je ne sais pas, le pape ou l'église ou le clergé que le fait de revenir au fondement. Donc revenir aux évangiles pour les chrétiens, revenir au Coran pour les musulmans, ça permettrait de reprendre une certaine spiritualité et de ne pas se séparer. Et du coup, en lien avec ça, à propos de l'individualisme, ça pourrait tout gommer. Quand on revient aux Écritures, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Voilà. Donc c'est bien le clergé et pas la religion qui est à accuser. C'est le clergé qui petit à petit nous a rendu d'ailleurs individualistes en essayant de dire donnez tout aux autres et oubliez-vous et faites-vous du mal parce que vous gagnez le paradis. Enfin bref, il y a des dérives. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc, Ne confondons plus jamais, s'il vous voulez, les clergés avec la religion. Et s'il y a des chrétiens, ben réveillez-vous les chrétiens de gauche. Il est temps de revenir prendre vraiment le terrain. Et du coup, il y a un chrétien de gauche qu'on a oublié, il s'appelle Emmanuel Mounier. Et il ne parlait pas d'individualisme, il parlait de personnalisme. Le personnalisme, ça te chagrine, mais c'était quand même la relation des uns avec les autres, et je fais écho à ce que disait mademoiselle, s'occuper des autres, c'est aussi se faire du bien à soi, et s'occuper de soi bien, c'est aussi être en meilleure relation avec d'autres. Et c'est dans la qualité des relations, c'est pas dans le fait de prendre son texto, etc. Je vais essayer de faire vite, il y avait encore une chose sur laquelle je voulais rebondir, je suis en burn-out, donc je suis un peu touchée par la santé, et peut-être que je suis un petit peu confuse. Oui. Pas déresponsabiliser non plus l'individu. On est responsable aussi de nos santé. Mais il faut savoir dire non parfois à un système qui fait que je suis dans l'état où je suis. Savoir dire non, savoir dire là j'en peux plus, j'ai pas les mêmes limites que les autres, et il faut reconnaître et prendre soin les uns des autres parce qu'il y en a qui sont plus fragiles. Alors justement, on est en train de faire un truc, veillons les uns sur les autres, là il y a une belle banderole qui est en train d'être faite, et c'est exactement ce que vous venez de dire, veillons les uns sur les autres. J'aime beaucoup, merci. Bah, puisqu'on parle d'individualité, moi je voudrais rebondir sur l'individualité. Moi je pense qu'au contraire, on n'arrête pas de nous dire qu'on est dans une société individuelle, moi je pense que c'est tout le contraire. Avec les médias de masse d'aujourd'hui, on n'a jamais été autant conformiste, quoi. Tout le monde est conformiste, au contraire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens vraiment individualistes. On est plutôt dans un monde hyper conformiste, quoi. Avec les médias de masse, on a la télé est chez tout le monde là, en ce moment maintenant. Tout le monde pense pareil, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais, c'est ce que j'avais à dire. Ouais, voilà, on pense pas même, on pense pas. Voilà. Donc si vous voulez intervenir, vous intervenez, vous me coupez pas la parole, s'il vous plaît, merci. Donc chacun son tour de parole. Sinon, je voulais parler de la santé au travail. Il y a un truc, il y a un fait divers là que je trouve vraiment atroce. Et je vais citer la grande surface, c'est Auchan. C'est une dame qui était caissière, qui s'est retrouvée en fausse couche à sa caisse. Donc elle s'est mise à saigner, elle a eu peur. Elle était en train de travailler, quoi, sur sa caisse. Donc elle est partie dans les toilettes. Et Auchan l'a licenciée pour abandon de poste. Vous imaginez un peu où on est rendu. Auchan l'a licenciée pour abandon de poste. C'est grave, hein. Et dans le même supermarché qui est Auchan, il y avait une dame aussi qui avait été tentative de licenciement parce que ça n'a pas été fait, parce qu'elle avait 40 centimes au-dessus de trop sur sa caisse. Enfin, qui manquait sur sa caisse, pardon, 40 centimes. Voilà où on en est. Une femme qui est en fausse couche et qui est obligée d'aller aux toilettes parce qu'en fausse couche, déjà, une femme enceinte, je pense qu'elle devrait pas être en train de travailler, quoi. Bref. Elle est obligée d'aller dans les toilettes parce qu'elle a peur, c'est normal, hein, elle se met à saigner et tout ça. Et elle est accusée d'abandon de poste à son travail. Vraiment, c'est grave, quoi. Je trouve que c'est grave, voilà. Je propose qu'on boycotte Auchan, voilà, pour ça, quoi. Merci. Ok. Alors, donc, je le rappelle pour les nombreuses personnes qui nous rejoignent, et encore, ça fait vraiment chaud au cœur. On est dans l'atelier du Pop, on est dans le before avant le. De parler de la corruption. Donc l'AG sur la corruption, c'est à 16h. Donc là, en fait, on a dans l'atelier éducation populaire, debout éducation populaire, on parle de la santé. Du coup, tu voulais réagir ? Par rapport à ce que tu as dit, il faut éviter de confondre deux définitions d'individualisme. Est-ce que tu m'écoutes ? Bon, tant pis. C'est juste que... Il y a une version de l'individualisme qui signifie être un individu propre à réfléchir, avoir sa personnalité. Et c'est sans doute ça dont tu disais qu'il manquait aujourd'hui. Mais le problème de l'individualisme par rapport à la solidarité, c'est... Il y a aussi être individualiste dans le sens de ne s'occuper que de soi. Et cette société... Je t'entends pas. C'est juste pour dire qu'en fait, cet individualisme dont on parle, c'est la consommation, c'est les gens qui regardent la télé toute la journée, et c'est tout le monde. Donc c'est un conformisme en fait, c'est pas un individualisme. Les gens ici sont égoïstes et qui s'y consomment, etc. Et si on a une espèce de où tout le monde est pareil, justement tout le monde est individualiste, donc tout le monde n'est pas individualiste, tout le monde est conformiste. C'est là où il y a un problème, quand on dit qu'on est conformiste. Non, les vrais individualistes, ce seraient ceux qui arriveraient à penser par eux-mêmes, etc., etc. Et c'est très très rare, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est une confusion entre deux définitions du même mot. Je suis d'accord sur toi avec le fond, mais il faut trouver des termes pour pouvoir différencier les deux et non faire des jeux de mots. J'ai un peu l'impression quand même, lorsque tu dis que tout le monde est individualiste, donc personne n'est individualiste. J'ai l'impression d'avoir compris ça en tout cas. Ok. Une réponse directe. Une. Non, juste rapidement, le vrai individualiste, c'est justement celui qui est pas, qui consomme pas, qui est pas pris par les médias, etc. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est que les gens, ils veulent tous avoir leur petit appel, leur petit machin, parce qu'ils sont, voilà, ils sont dans un, on est dans une espèce de consommation de complètement délirante à cause de la publicité, etc. Et les gens, ils sont tous pareils. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des individualistes, mais c'est ceux qui sont en dehors de ça, ceux qui arrivent à penser par eux-mêmes, à pas être dans la consommation imbécile, etc., etc. Voilà. Mais bon, ils sont quand même assez rares. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on accuse certaines personnes d'être individualistes parce qu'ils seraient égoïstes, etc. Alors que c'est la plupart des gens, quoi. C'est ça le problème. C'est là où je dis que c'est pas des individualistes, c'est des conformistes. Ils sont dans le conformiste total. Et je faisais la remarque que la télé, elle est chez tout le monde. Tout le monde a les mêmes informations au même moment. Ce qui veut dire que c'est les médias qui font l'ordre du jour. C'est eux qui choisissent que les gens sur les choses sur lesquelles ils vont penser. Parce que de quoi on parle, de ce qu'on a vu à la télé. Voilà, etc., etc. C'est tout ce que je veux dire. C'est pour ça que je parle de conformisme et pas d'individualisme. Enfin bon, on est sorti un peu du sujet de la santé. Excusez-moi, monsieur Sylvain. Alors, oui, j'ai juste envie de te rajouter, sauf à Debout Éducation Populaire, en fait. On peut se lancer des fleurs, là, non? Ok, à Debout Éducation Populaire, c'est pas la télé, c'est pas le média de masse, c'est des citoyens, voilà, bref, qui parlent. Hein. Des fois, on sait pas trop quoi dire, d'ailleurs, mais... Alors, n'hésitez pas à réagir, donc le thème sur la santé à Debout Éducation Populaire, j'ai une main qui s'est levée. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je voulais vous donner une information, c'est que tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil. C'est-à-dire, si quand je vois dans une famille des gens qui sont bien informés, qui sont, comment dire, d'un certain statut social, qui savent que ce qu'ils mangent c'est de la merde, et qui savent qu'ils donnent de la merde à leurs enfants, moi ça me met en colère, et moi j'ai envie de les taper. Et parce que c'est leur responsabilité de s'occuper de leurs enfants, c'est pas moi qui dois le faire. Si je vois quelqu'un qui se promène sur un pont qui veut se suicider, si je commence à lui dire « Oh mon pauvre, t'as des malheurs, fais attention, mais moi je peux t'aider, tu sais, on va aller à l'église, etc. » Bon, il va se suicider encore plus. Je crois que c'est, à ce moment-là, c'est un bon coup de boule qu'il lui faut, et puis l'emmener à l'hôpital. C'est ça que je veux dire. Ça veut pas dire ne pas s'occuper des autres. S'occuper des autres, ça ne veut pas dire faire des câlins, etc. Ça veut dire faire en sorte qu'ils soient vivants d'abord. Après, ils choisissent ce qu'ils veulent. Après, c'est leur liberté. Mais s'ils choisissent de se démolir, moi, je ne peux pas les empêcher. J'ai déjà assez de mal avec moi-même. Et une autre chose, un autre exemple que je voulais donner, c'est quand on soigne quelqu'un avec les médecines alternatives, il y a malheureusement deux sortes de médecines. Hein. Une chimique et une naturelle, on va dire. Et il y a des tas de gens qui vont, quand ils sont malades, vont voir le médecin chimique. Mais en même temps, comme ils voient qu'ils ne sont pas guéris, ils vont voir le médecin, la médecine naturelle. Ils vont prendre de l'homéopathie, des tisanes, etc. Mais sans le dire à leur médecin officiel, parce que sinon ils vont se faire engueuler. Alors c'est impossible de savoir vraiment quelle maladie ils peuvent avoir et comment les soigner. Parce qu'ils font n'importe quoi, ils mangent n'importe quoi, ils prennent des médicaments différents, ils vont chez deux, trois médecins différents. Et c'est le bordel, c'est pas possible. Il faut que chacun soit responsable de ce qu'il fait, qu'il soit informé, qu'il est responsable. Et s'il veut être malade à tout prix, ben qu'il soit malade. Je veux dire, moi je suis pas responsable. S'il veut que je l'aide, il me demande, ben alors moi je lui dirais, oui, je veux bien t'aider, mais tu fais gaffe, tu fais pas n'importe quoi. Sinon, je pourrais courir derrière tout le monde. Alors, donc, juste point technique, hein, pour ceux qui sont venus pour la corruption, l'Assemblée Générale, elle est à 16h, ça sera de l'autre côté de la place. Donc voilà, donc pas d'inquiétude, là on est dans l'atelier Debout Éducation Populaire, quelle société veut-on, pour à peu près encore quelques longues minutes. Non mais j'entends des casseroles, ça me fait bien rigoler. Donc apparemment si vous voulez taper sur des casseroles, il y en a sur cette place. N'hésitez pas à demander aux gens, on doit être partageurs de casseroles et de... Ouais. Ah d'accord, oui non mais j'avais compris que c'était pour dénoncer la corruption. Enfin, ça va de soi. Donc nous on est toujours tranquillement donc en train de faire notre petite banderole et parler de la santé, puis après on parlera de la corruption. Voilà. Oui, à propos de ce qui vient d'être dit, je voudrais quand même réagir parce que ça me paraît pas très juste de considérer que tout le monde peut manger des choses de bonne qualité. Ça a un prix qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc déjà, de dire c'est de votre faute si vous êtes malade parce que vous bouffez n'importe quoi, ben quand on a du fric, c'est déjà moins difficile de manger des choses de bonne qualité. Le bio, c'est pas si évident de se nourrir bio. Il y a des gens qui n'ont pas non plus les moyens d'avoir suffisamment de connaissances ou qui n'ont pas forcément le temps non plus d'aller dénicher les boutiques où ils vont pouvoir trouver des choses de qualité parce qu'ils ont un boulot trop prenant, etc., des conditions de vie, de travail très difficiles qui leur laissent peu de temps, qui n'ont peut-être pas de bagnole non plus pour ramener tous les trucs. Donc c'est un peu sévère, je trouve, et pas forcément très juste de dire ça. Et puis dire j'ai déjà assez de mal à m'occuper de moi, je trouve que c'est pas une raison non plus très juste pour dire que les autres se démerdent et crèvent. Merci, j'avais une prise de parole. Attends, rapproche-toi. Je voudrais parler de par rapport à la santé. Je pense que c'est important aussi de penser aux conditions de travail des soignants. Dans la mesure où pour qu'un soignant s'occupe bien du soigné, il faut que lui-même il soit en bonne santé. Et je pense aujourd'hui au suicide dans les hôpitaux de Paris, notamment l'hôpital Georges Pompidou d'un infirmier et auparavant d'un médecin, qui nous montre bien que l'épuisement au travail et les conditions de travail sont vraiment urgentes et fondamentales pour pouvoir avoir une bonne politique de la santé. Donc en ce sens, voilà, ce serait juste une pensée et puis un appel par rapport à cette problématique. Oui, effectivement, je me rappelle il y a quelques mois quand il y avait des gens de la médecine, enfin des hôpitaux qui étaient ici même sur cette place et qui témoignaient en tout cas quand on discutait avec eux de leurs conditions de travail. Je me rappelle très très bien, malheureusement ça n'a pas évolué, limite ça s'est, je pense, un peu empiré et c'est très très problématique. Du coup, oui, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et aujourd'hui, en plus, on est dans une concentration. On fait des espèces de gros pôles avec plein de choses, enfin, plein de médecins différents. On enferme. Enfin, bref, c'est très très compliqué. On en avait parlé la semaine dernière. On avait pris l'exemple d'une femme qui est enceinte et qui est obligée de faire X kilomètres pour aller dans un hôpital et qui, malheureusement, des fois, a toutes les chances d'accoucher dans un taxi ou dans des conditions qui sont pas terribles du tout parce que l'hôpital qui était plus proche de chez elle a fermé pour X ou Y raison. Mais là-dessus, ouais. Dans la société idéale, forcément, je vais surprendre personne en disant qu'on n'espère pas se retrouver avec ce genre de situation. On est toujours dans la santé, tu as une réaction, je te sens. Par rapport à la société idéale, sur tout ce qui est... Déjà, si c'était pas des lobbies pharmaceutiques qui avaient le monopole de tous les médicaments qu'on prend, de trucs et tout, et qui nous disaient mais des trucs cons comme manger du persil ou des trucs comme ça, où ça peut nous sauver la vie, eh ben peut-être qu'on se bourrerait pas de médocs qui nous flinguent le corps comme ça, et peut-être qu'on pourrait revenir à des trucs qui sont pas du tout chers à produire, mais que simplement ça a été occulté parce que il y a un lobby qui s'est installé qui a dit que tout ça, ça devait être payant et que ce serait produit par ces usines. Pourquoi on interdit le cannabis en France? Parce que la France est un des plus beaux, gros producteurs de morphine et qu'ils n'ont pas envie que les gens puissent se faire leur soigner eux-mêmes. Et du coup, en plus, ça légitime des trafics. Ils disent, mais il n'y a aucun argument contre la dépénalisation du cannabis, en fait. Il n'y a aucun argument qui tient. Parce que, de toute façon, ils savent très bien que si c'est pas nous qu'on le fait pousser nous-mêmes, ça se fait dans des trafics violents, des trucs et tout comme ça. Donc, si on pouvait nous-mêmes faire tous pousser des plantes qui nous guérissent, ça les ferait chier parce qu'on n'irait plus acheter leurs médocs dans leurs usines et que leurs usines, elles arrêteraient de fabriquer des trucs. Et même la lutte, soi-disant, les flics, combien de gens en prison, ils sont là pour des deals comme ça, et c'est jamais les grosses têtes, parce que les grosses têtes, ils mangent avec les chefs d'État et tout, et que tout l'argent du narcotrafic, c'est réinvesti directement dans les banques. Pour un chiffre, c'est un mec qui a fait un bouquin comme ça et qui dit que c'est 97% de l'argent du narcotrafic et de toutes les mafias et de tout ça qui est réinvesti directement dans les banques. Et ces banques-là, c'est celles qui dirigent l'État, tous les États, que nous, c'est ceux qui sont bien au-dessus des présidents, c'est les banques, ok? Et même, pour placer un petit mot, tous les terroristes de Daesh et tout machin, c'est des armées de l'OTAN, ils bossent pour l'État français. Et ils bossent pour l'État américain, pour tout cela. Alors, tous les gens qui savent ça, un jour, j'espère que on va arrêter de se faire prendre pour des cons et qu'on va bouger et qu'on va destituer cet État carrément. Mais je pense que, je sais pas, moi, j'aimerais que ça se fasse sans mort, mais je sais pas, à un moment, il faudra peut-être tout brûler pour faire ressemer dessus, parce que là, ça craint, ça, c'est vraiment, ça pue, quoi. Donc voilà. Et je veux dire à tous les policiers aussi qui sont dans la place en civil ou en uniforme, qu'à un moment il faudra choisir votre camp entre être là pour tabasser le peuple quand il a dit qu'il en a marre. C'est pas ça normalement le rôle gardien de la paix. Déjà maintenant c'est les forces de l'ordre, donc déjà ça sonne plus pareil dans la tête des gens, déjà. Donc on a compris le truc, mais j'espère que vous comprendrez un jour les flics qui vous servez vraiment. Mais il y en a, il faudra peut-être les dégager. Merci de ce cri du cœur. Voilà, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais juste à peine. L'Assemblée générale contre la corruption est en train de se préparer tranquillement. La modératrice est partie, donc c'est ce qui est toujours bon signe. Donc nous, on est toujours donc sur le thème de la santé. On a un petit peu débordé dans la société qu'on veut. Donc n'hésitez pas à nous faire partager vos témoignages, vos expériences sur la santé, quelque chose qui vous a pas plu, un truc vous êtes allé voir votre médecin et il vous a pas attendu deux secondes. Voilà. Ok. Merci. Bonjour à tous. Alors un petit témoignage de quelqu'un comme n'importe qui parmi vous. Je suis en train de relire le livre d'une amie qui travaille avec les mineurs étrangers isolés. Et il n'y a pas longtemps, il y a un enfant qui a perdu son œil. Il devait être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il devait être pris en charge par toutes les institutions qui sont grassement payées pour faire ce boulot. Et il a perdu son œil. Voilà. Il y a plein de choses très violentes qui se passent vis-à-vis des enfants dans notre pays, sous nos yeux. Je crois qu'on les a pas tous complètement ouverts. Et voilà, je voulais juste rapporter cette histoire et penser aux enfants mineurs qui sont autour de nous, sans protection, tout seuls à la rue, à la main de n'importe quel pervers dégueulasse. Et parfois, les plus dégueulasses sont aussi parmi les institutions qui sont censé les prendre en charge. Voilà. Merci. Alors, du coup, des fois c'est difficile de rebondir. Je ne connaissais pas. Merci. N'hésitez pas à partager vos expériences ou des sujets comme ça que vous avez envie de parler. La parole est libre. Hein. On parle de la santé. Dans tout son sens et son voilà toutes ces problématiques dans la société idéale. D'accord. Du coup, on a commencé avec vous, on continue avec vous. Désolé. Pas de souci. Viens devant la bouche. Oui, je rebondis sur la question des labos pharmaceutiques parce que L'information vient de Médecins du Monde. Et sur leur site, on peut lire que pour ce qui est de traitement de l'hépatite C, il y a des nouveaux traitements qui sont efficaces, mais qui sont produits aux États-Unis par un labo pharmaceutique qui a déposé un brevet. Et les coûts sont énormes. C'est-à-dire que c'est un médicament qui n'est pas accessible à tout le monde parce qu'il est très très cher. Et que quand un labo peut déposer un brevet, on ne peut pas pré-produire de générique, de médicaments génériques. Alors il faut après, les États ont quand même une marge. Je ne suis pas capable de vous expliquer comment, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le voir sur le site de Médecins du Monde. Donc toute cette lutte pour que les traitements efficaces contre l'hépatite C soient accessibles à tous les humains et pas seulement dans les pays très riches et même à l'intérieur de pays riches, uniquement aux gens qui ont les moyens. Ok, c'est le truc qui coûte 50 000 euros, là, c'est ça? Ouais. Donc ce qu'il faut savoir, le traitement, l'hépatite C, hein, c'est bien ça? C'est 50 000 euros le traitement. C'est un truc, on en a parlé la semaine dernière. C'est juste hallucinant. Ouais, d'accord. Ok, alors on a un témoignage ici. Bonjour messieurs, dames. Moi, c'est Louis-Georges Cardon. J'ai grandi dans une famille d'accueil de mes 5 ans à mes 18 ans. Ma femme d'accueil est partie en retraite en décembre 2015. Je me suis retrouvé dans la rue car on n'avait pas d'endroit à domicile fixe. Du coup, mes parents habitent toujours sur Paris, mais bon... Moi, je raconte ma vie un peu parce que j'en ai envie, ça me fait du bien. Si vous aurez le temps de me parler après, vous pouvez. Je vous expliquerai un peu plus. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi, messieurs, dames. Mais moi, je voulais juste vous dire que ça me fait du bien de parler parce que, voilà, j'ai mal au cœur envers moi parce que mes parents m'ont pas élevé. Ok. Alors, Larsen, pas bon pour les oreilles, on va se décaler. Du coup, j'ai pas de news des copains à côté. Ça serait bien que quelqu'un m'en donne, d'ailleurs, si c'est possible. On est donc toujours sur l'atelier d'éducation populaire. Quelle société veut-on ? Donc, le thème sur la santé. La semaine dernière, effectivement, on a parlé de laboratoires, on a parlé de séparer tous les lobbies financiers qui se sont accaparés un petit peu les médicaments qu'on vend. Ok, alors très bien. Ok, nickel. Voilà, il suffit de demander des nouvelles. On va commencer l'assemblée dans 10 minutes. Ok. On va faire les derniers tours de parole. Est-ce qu'il y a un dernier partage d'expérience, monsieur, madame? Bon, alors on va commencer par madame. En fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Là, je trouve que c'est bien. Enfin, il y a pas. Bon, c'est de parler d'Educ Pop. Donc, c'est très bien dit. En fait, c'est échanger, découvrir, partager. Parce qu'il y a des personnes qui le savent, mais il y a d'autres que. Voilà, il faut informer les gens. Oui, il faut informer les personnes pour qu'elles puissent se rendre compte de la gravité des choses. Donc, l'éducation. L'éducation et la santé, c'est deux choses très importantes pour nous tous et qui sont en danger, hein, parce que l'éducation, voilà, ça change tout le temps. Et bon, par rapport à mon expérience, c'est par rapport au travail. J'ai 64 ans. Il est possible que des larmes, mais ne vous inquiétez pas. Donc, je travaille encore et j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait que ça de ma vie parce qu'on m'a appris à travailler. Donc, dans mon entreprise, en fait, j'étais dans la restauration de collectivité et j'ai eu des problèmes, genre pour rembourser mes tickets de transport, donc genre on ne voulait pas rembourser, enfin on a profité pas mal. Et du coup, je travaillais, il y avait tellement de trucs à faire, donc frotter, vous savez ce que c'est, dans la restauration, on frotte, machin, tout ça, donc j'ai des déchirures ici, par là et tout. Et du coup, un jour, j'en ai marre, hein, donc en 2014, et j'ai carrément demandé la retraite parce que j'avais l'âge, mais pas les ans d'immunité. Et du coup, je demandais parce que j'étais à bout, je ne pouvais plus travailler. Et du coup, je me trouve, j'avais un travail de en temps partiel, payé en temps partiel. Mais tous les jours, je faisais entre 1 heure à 1 heure et demie par jour. Parce que le truc dans la restauration, c'est que vous avez des choses à faire. Tant que vous n'avez pas fini, vous n'avez pas le droit de partir, de quitter. Donc, il faut finir. Donc, évidemment, en courant de préférence de partir un petit peu à l'heure, pas trop tard, mais courir comme des fous, quoi. Donc, je travaillais comme ça, et je suis toute cassée. Et là, j'ai pris ma retraite parce que je ne pouvais plus. Et là, elle est à 290, alors, voyez-vous. Donc, je te payais à mi-temps, mais je travaillais beaucoup. Et du coup, je travaille encore parce qu'avec 290, ça ne va pas. Et moi, je n'ai jamais rien demandé de ma vie parce que ce n'est pas possible pour moi d'aller à la mairie et demander des aides, machin, tout ça. C'est impossible. J'ai toujours travaillé pour vivre de mes propres moyens. Mais bon, je sais que parfois, ça peut aider. Mais voilà, peut-être qu'un jour, j'irai quand même. Mais là, par exemple, je suis allée. Et comme je travaille... Donc maintenant, vous travaillez, quand on travaille, voilà, on ne peut pas, hein, donc on peut pas aider, vous travaillez, donc d'accord, on s'en fout. Mais du coup, je me trouve là, comme ça, il faudrait que je travaille encore 10 ans, mais c'est pas possible. Donc je compte travailler encore jusqu'à 65 ans et demi, c'est-à-dire juin 2018. Et là, je ne peux plus, je suis à bout. Donc je suis plus de tête, j'oublie tout, et voilà, tout ça pour des conneries que... Voilà, quoi, d'être mal payé, ou profiter de moi, et là, je suis cassée, et je bosse encore, je ne sais pas quoi faire. Des fois, je me perds dans la rue, je ne sais pas ce qu'on fait, mais je tiens. Voilà, donc, la santé, quoi. Bravo au travail. Hein. Merci pour votre témoignage. Je vais prendre le dernier tour de parole, du coup. Hop. Bon, je vais témoigner debout. En général, j'aime pas trop témoigner sur mon propre cas, mais là, je vais le faire parce que j'ai l'air en très bonne santé comme ça. Apparemment, j'ai l'air en très bonne santé. Tous les gens qui me connaissent, bon, parce que je parle pas de problèmes de santé, je pense qu'il y a 95 ou peut-être 100% des gens qui ignorent la maladie dont je vais parler, qui s'appelle la fibromyalgie. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette maladie? D'accord. Alors, ça pose des problèmes aux articulations, ça donne des problèmes de sommeil, des maux de tête, des douleurs articulaires, des problèmes sur le psychisme. Donc, moi, j'étais aussi pour me soigner naturellement. Je connais aussi pour le millepertuis, c'est bon quand on est atteint de pas mal de problèmes. Mais malheureusement, je suis obligé de prendre des médicaments. Et il y a quelques années, on m'avait reconnu cette maladie. Et alors, après, on m'a fait passer à l'Hôtel Dieu. Je dénonce l'assistante publique, hôpital de Paris. Ah ben ça parle en même temps, donc c'est pas très évident. Bon, j'attends. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai été à la PHP à l'Hôtel Dieu. J'avais un rendez-vous. J'avais été soigné. Je devais voir une responsable m'entretenir. Et on m'a mis en hôpital psychiatrique. Et on a voulu me sevrer de médicaments. Et ça, j'ai souffert. Je suis resté une semaine comme ça. Heureusement, j'avais des gens qui sont venus me voir que je connaissais. Donc, c'est une honte parce qu'ils voulaient pas reconnaître cette maladie. Maintenant, elle est reconnue. Et là, je suis en passe d'aller voir à l'hôpital Saint-Antoine. Ça s'appelle le centre d'évaluation de la douleur. Mais il faut aussi voir un psychiatre que j'ai vu un petit moment. Donc, voilà, je voulais témoigner de ça, c'est tout. Hein. Merci. Puis excuse-nous pour la coupure, on va tirer les oreilles. Alors, donc on va conclure. Merci beaucoup à tous d'être venus. Donc c'était Debout Éducation Populaire. On est là tous les dimanches, qu'il y ait autant de monde qu'aujourd'hui, que 10 personnes comme ces derniers jours où il faisait un petit peu plus froid. Donc n'hésitez pas à dupepdebout.org On a besoin, on est des bénévoles, on fait ça de notre temps libre, on est des citoyens lambda. Donc si vous voulez revenir, c'est avec plaisir, nous aider également au niveau de l'organisation, n'hésitez pas. Merci encore, on est là toujours dans notre société idéale, sûrement avec un nouveau sujet dimanche prochain. Et là dans quelques instants, en fait, on va vous laisser dans les mains de nos petits copains. De l'autre côté de la place, l'Assemblée générale contre la corruption va commencer. Donc vous pouvez vous asseoir, même sur le truc de skatepark, tout ça, on s'en fout, la place elle est à nous aujourd'hui. Donc allez-y, voilà. Merci encore pour nous avoir écoutés, et dimanche j'espère, et la suite des programmes de la programmation, c'est ce que je viens d'annoncer.